J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, c'est Gaël et c'est Zik Actu et on va parler d'actualité musicale pendant environ une heure et on va commencer tout de suite avec un groupe qui s'appelle Jill is Lucky. Jill is Lucky qui sort un nouvel album, c'est tout frais, ça vient de sortir, ça s'appelle À l'envers, non ça s'appelle Manon, pardon. Et le titre qu'on va écouter s'appelle À l'envers. C'est parti pour Jill is Lucky. Actuellement Jill is Lucky pour un titre en français, plutôt pop, plutôt variété, plutôt sucré. Ça peut avoir du charme aussi. En fait, c'est la musique d'un court-métrage musical qui s'appelle Manon, en fait, comme l'album du coup éponyme. Donc ça serait comme un troisième album de Jill is Lucky, mais quand même avec un beau virage entre les deux premiers et celui-ci. Le deuxième était assez fou, de la pop anglaise assez décomplexée. C'est un groupe français, hein, mais qui chante en anglais. Et le premier, partait un peu dans tous les sens, mais il y avait des belles chansons, notamment un tube que vous avez peut-être entendu. C'est ce qu'on entend un peu en fond. Voilà. Ça doit vous rappeler une pub, un parfum pour Kenzo, exactement, je crois bien. Alors, du coup, ça c'était Jill is Lucky, c'est un groupe français. Donc, peut-être que ce court-métrage est à découvrir, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Peut-être pour comprendre un peu plus tous ces titres-là. On continue avec une autre française qui s'appelle Françoise Breut, mais Françoise avec un Z, qui sort un nouvel album qui s'appelle Zoo. On écoute tout de suite le titre « Le Jardin d'Éden ». Thank you. C'était Françoise Brut avec un titre assez onirique, en même temps, Le Jardin d'Éden. Voilà, on savait un peu où on allait. L'album s'appelle Zoho et donc est une espèce de mosaïque d'ambiance comme ça, c'est assez chouette. Ce titre est vraiment relaxant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je suis détendu là tout de suite. Alors Françoise Brut, elle a collaboré avec plein de monde. Louise Attaque avec Angel, le Stéphanois dont je vous parle régulièrement, avec Da Silva, avec Jeanne Chéral et bien plus particulièrement avec Dominica, c'était sa compagne, c'est peut-être toujours sa compagne, je suis pas très au courant de tout ça, mais voilà, du coup on les a souvent associés, Dominica et Françoise Brut. C'est donc son 6e album. Ça s'appelle Zoho et c'est très chouette. En voilà un autre grand artiste français qu'on n'a pas entendu depuis un moment, c'est Renaud. Alors voilà, j'ai un peu hésité à passer ce titre parce que c'est pas tout à fait dans la ligne éditoriale, si j'ose dire, de mon émission, mais finalement, puisqu'il n'y a pas de ligne éditoriale, je passe ce que je veux. Et surtout quand le titre s'appelle « J'ai embrassé un flic » et que c'est signé Renaud. Moi, je trouve ça plutôt drôle et ça me donne envie de l'écouter. Renaud, on n'en a pas entendu parler depuis... Allez, peut-être une dizaine d'années, et il revient, alors un peu comme d'habitude, il a fait sa cure de désintox, il est en pleine forme, et il veut nous le faire savoir, et bah c'est tant mieux. Et du coup, il nous sort un nouvel album qui s'appelle tout simplement Renaud, en fait, c'est un album éponyme, et il commence par ce titre-là, « J'ai embrassé un flic », ça parle de Charlie Hebdo et des manifestations qu'on suivit juste après, et c'est un assez beau texte, Renaud. Nous étions des millions entre république et nation, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic. Comme quoi tout arrive, un nouvel album de Renaud, Renaud qu'embrasse un flic, on n'aurait pas cru ça possible. Bah si, c'est possible en 2016, tout est possible. Voilà, son dernier album était sorti donc en 2006, ça s'appelait Rouge Sang. Et ça n'avait pas été autant un succès que celui d'avant, en 2002, Boucan d'Enfer, où on avait notamment Manhattan Kaboul, qui s'était donc vendu à 2 millions d'exemplaires. Voilà, on espère en tous les cas que tout va bien chez lui. A priori, si vous avez écouté le titre Toujours Debout, qui passe régulièrement à la radio des Boutières,

alias Doc Gynéco. Et oui, on apprend plein de choses dans cette émission. On a notamment appris que Joey Starr s'appelait Didier, en fait. Voilà, des grosses révélations encore ce soir. Et voilà, il a maintenant 41 ans. À l'époque, il avait donc 21 ans quand il a sorti cette chanson. Et bah, ça lui allait peut-être mieux. En tous les cas, c'est un artiste intéressant, alors pas forcément pour son engagement politique, mais voilà, pour cette carrière un peu difficile de Doc Gynéco. Moi, je le trouve assez touchant, finalement. En tous les cas, ça vient de sortir, ça s'appelle Première Consultation, édition 20e anniversaire. Et oui, pour faire un peu d'argent, ça vaut le coup de ressortir un vieil album qui avait marché. On retourne à encore un autre artiste, un grand monsieur de la chanson française. Il s'appelle Philippe Catherine et c'est un peu difficile de le cataloguer, en fait. Et il nous sort un nouvel album complètement concept, complètement fou, qui s'appelle Le Film. Comme à chaque fois, c'est complètement concept et c'est complètement fou. Ça l'est même de plus en plus. Ce coup-ci, je ne sais pas exactement quel est le concept. En tous les cas, on retrouve vraiment quelque chose de très épuré au niveau de l'orchestration. Essentiellement un piano, une contrebasse et la voix de Philippe Catherine qui nous raconte des trucs bizarres. On écoute le premier titre pour essayer de comprendre cet album. Ça s'appelle Le Film, donc comme le nom de l'album. Mais qui a fait le casting? Qui donc a fait le tracklisting? Qui du chef opérateur? Sans parler du sound designer. C'est le plus beau film du monde. Celui que je vois devant moi, toujours un nouveau casting, toujours un nouveau tracklisting pour l'assemblage de couleurs. C'est toujours toi qui es cadreur. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, ne suis qu'un spectateur parmi les spectateurs. Est-ce le plus beau film du monde, celui que tu vois devant toi? Pourquoi suis-je dans le casting? Pourquoi tu es dans le casting? Qui est le storyteller? Sûrement celui qui connaît l'heure. C'est le plus beau film du monde, celui qu'on peut voir devant soi. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, ne suis souvent figurant parmi les figurants. Je ne suis qu'un acteur parmi les autres acteurs, et plus souvent figurant parmi les figurants. Je vous laisse la petite ambiance champêtre pour la fin. Chut. Voilà. C'est Philippe Catherine qui le dit. Chut, ça suffit. Et ben voilà. Je sais pas si on est bien plus avancé, mais en tous les cas, vous pouvez écouter donc cet album qui vient de sortir. L'album s'appelle Le Film et c'est Catherine avec un K. On clôt le passage français pour passer maintenant à l'anglophonie avec un artiste qui s'appelle Son Little. On écoute le titre Lay Down. Baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, baby, won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around. Just this once, lay down with me a moment. Let me ease your worried mind. Lay down and drift the moment. Let's not waste any more of our precious time. Baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, said baby, won't you lay down and watch this water boil. Let the others run around. Just this once, let your hair down and pull the curtain. Let me see you in the light. Just lay down, your words are worthless. Let me hold you through the night. Say, baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, baby, won't you lay down and watch this water boil? Let the others run around. Just this once, said baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Said, baby, won't you lay down, lay down, lay down, let the others run, run, run, run, run, run, run around, run. C'était Son Little qui sort donc, qui a sorti son premier album éponyme en décembre 2015 et j'étais passé à côté et c'était donc dommage, il fallait que je rattrape ça. Il a une voix incroyable, une espèce de voix de velours comme ça et il nous raconte un peu tous les États-Unis en un album. Il se passe plein de choses dans cet album-là, c'était son côté soul mais il y a un côté rock, il y a un côté hip-hop, il y a plein de choses. Hip-hop forcément parce qu'il était dans le groupe The Roots, voilà. Donc ça s'appelle Son Little et c'est vraiment très chouette. On continue avec un groupe qui s'appelle Kak Madafaka. J'aime déjà beaucoup le nom du groupe et on va écouter le titre Young You. Without you, oh baby, you'll be crying tonight. You'll be fine in a day or two. Oh baby, you'll be crying tonight. You'll be fine in a day or two. I know, I know, I know, it's true. You'll be fine in a day or two. Oh baby, you'll be crying tonight. You'll be fine in a day or two. We were gonna prove them all wrong. Me and you, lying on the grass in the park all day long. Repeat on our favorite song. Whoa, when we could dance all night long, doing things considered wrong. Watch the sunrise from the rooftop. Watch the sunrise from the rooftop. Oh, oh baby, you'll be grand tonight. You'll be fine in a day or two. c'était Cack Motherfucker, le titre Young You, extrait de leur nouvel album qui s'appelle KMF. Ça sera peut-être plus facile à taper sur Google. KMF, tout simplement. Et donc, c'est leur troisième album. Y a toujours un peu ce côté sautillant, peut-être un peu moins rock. Le deuxième était un peu plus rock, rock'n'roll même, presque. Et voilà, en tous les cas, c'est un chouette groupe. Ils viennent de Norvège. C'est assez frais. Moi, j'aime beaucoup. Et y a ce côté-là, ce côté assez arrangé aussi, qui est plutôt sympa. En fait, c'est un groupe qui peut atteindre jusqu'à 12 membres sur scène. Voilà, il y a un noyau au centre, on va dire 5 ou 6 musiciens. Et il y a plein de musiciens qui se rajoutent, et notamment pas mal de musiciens de classiques, en fait, qui se rajoutent au groupe et qui proposent donc pas mal d'arrangements. C'est plutôt chouette. Ils viennent de la même ville que Kings of Convenience, donc Bergen, en Norvège. On continue avec un artiste renommé qui s'appelle Ben Harper et qui sort lui aussi un nouvel album. C'est donc le groupe Ben Harper and the Innocent Criminals. L'album s'appelle Call It What Is It, appelle-le comme c'est, quelque chose comme ça. Et le titre que je vous propose d'écouter, parce qu'il est toujours un peu dans ce côté frais, un peu, ça sent l'été un peu dans Zicactus ce soir, c'est Shine, il s'appelle Shine. Tattoo scarred on skin, bright as day. Across my heart, there is no other way. Give me tomorrow, and I'll give you. There is no C'était Ben Harper and the Innocent Criminal avec le titre Shine, donc extrait de son nouvel album, ça vient juste de sortir. Et bah, c'est plutôt frais, c'est plutôt agréable, surtout ce titre-là que moi j'ai beaucoup aimé. Après, vous attendez pas un album complètement fou qui revient aux fondamentaux de Ben Harper. Et Ben Harper, ça fait quand même pas mal d'albums qui n'arrivent pas à nous surprendre. Voilà, on retrouve pas encore les sensations de Welcome to the Cruel World ou de Oppression. C'est un peu dommage, mais ça reste assez frais, assez agréable à écouter. On continue avec The Dundee Warhols. On va écouter le titre Catcher in the Rye, quelque chose comme ça, extrait de leur album Distortland qui est sorti le 8 avril. C'est les Dundee Warhols, Catcher in the Rye. Dundee Warhols, donc qui sortent leur 8e album. Ça s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, Distortland. Et voilà, un groupe très influencé par le Velvet Underground à ses débuts, donc en 93. C'est un groupe qui a de la bouteille. Hein. Et donc un groupe qui vient des États-Unis. On reste aux États-Unis, comme Ben Harper, donc. Quoique, on va passer maintenant de l'autre côté de l'Atlantique avec PJ Harvey. PJ Harvey qui sort un nouvel album. Et on va écouter tout de suite le titre The Will. L'album s'appelle The Hope Six Demolition Project. Et on va écouter un des singles The Will. Chains. C'était PJ Harvey avec un extrait donc de son nouvel album qui s'appelle donc ce titre s'appelle The Wheel et son nouvel album s'appelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure excusez-moi The Hope Six Demolition Project. Alors en plus précisément en fait elle a fait le tour du monde avec un photographe et elle s'inspire toujours de quelque chose de faits d'actualité en fait PJ Harvey en tous les cas très souvent et là donc elle est allée je recherche mes sources un petit peu. Elle est allée en Afghanistan, elle est allée au Kosovo, elle est allée dans les quartiers déshérités de Washington. Donc mes sources, c'est l'Obs, si vous voulez tout savoir. Et elle s'est basée donc sur des photos réalisées par Seamus Murphy et pour du coup s'inspirer pour son album. Donc cet album, vraiment, il est très très chouette aussi. Le Let England Shake, qui était sorti en 2011, était déjà très bon. Et là, elle va encore plus loin. Il y a toujours vraiment du savoir-faire dans tout ce qu'elle touche, en fait. Autant du côté du jazz que du blues, il y a un peu tous les styles qui se mélangent dans cet album. Et toujours avec grand talent. C'était donc PJ Harvey. On continue avec le groupe Savages. On écoute, on pousse un peu le volume et on écoute cette personne, un extrait de l'album Other Life. écouté Savages, bah ça envoie pas mal, ça fait bien plaisir. C'est un groupe de filles qui vient d'Angleterre, donc on reste en Angleterre, comme PJ Harvey, et un groupe de post-punk qui envoie bien. Alors les quatre filles ont des CV assez incroyables, il y en a une qui devait être pilote de ligne, l'autre qui travaille dans une institution psychiatrique, enfin bref, que des personnalités. La chanteuse qui s'appelle Jenny Beth, en fait son vrai nom c'est Camille Berthomier, et elle était actrice en fait, en tous les cas jusqu'en 2005. Elle a été même prénommée pour un César. Bon, quatre filles assez incroyables donc, et puis une musique qui envoie bien, et du punk, du post-punk en Angleterre, on en a plus tant que ça en fait. Ça fait du bien d'entendre ce genre de musique, en tous les cas moi ça me fait du bien. On retourne un peu de la France, un peu du côté de la France pardon, mais pas trop loin de l'Angleterre, c'est la Normandie avec le groupe We Are Match dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Cette fois ils sortent un EP version orchestrale, il y a 4 titres, et en fait leur morceau, le morceau extrait de leur album Shores sortent de version, avec une version orchestrale. Pardon, excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. On écoute donc le titre Shores avec le Grand Budapest Orchestra et le groupe We Are Match. Nobody went, no. C'était un incroyable tsunami musical orchestré par Shores et l'Orchestre Philharmonique de Budapest, avec orchestré par We Are Match, pardon. C'était le titre Shores. Décidément, je n'y arrive plus. Il est temps de rendre l'antenne, ou presque. Vraiment, je trouve ça grandiose, personnellement. Et ça fait vraiment du bien d'entendre qu'on peut mélanger la musique électronique, la pop et un orchestre classique pour créer de la musique en 2016 et arriver à quelque chose finalement d'assez jamais vu. Il y a 4 titres comme ça, c'est avec donc en partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Budapest, et je vous conseille vivement de les écouter tous les 4. On va clore cette émission par un morceau un peu hors série, parce qu'il date de 2012. C'était sur l'album de Benjamin Biolay, je l'ai raté. Il y avait un featuring avec Orelsen. Je l'avais raté et je l'ai réécouté, je l'ai redécouvert. Et vraiment, ça vaut le coup. Je vous le passe tout de suite. Ça s'appelle Ne regrette rien, Benjamin Biolay, Orelsen. Comme une main, on le ressent mieux la nuit que le jour. Mieux la nuit que le jour. Mieux la nuit que le jour. Est-ce que nos instants d'extase laisseront des traces, ou reste que les remords et l'amertume après la fonte des classes? Avec le temps, les sentiments les plus profonds s'effacent. On joue nos rôles du mieux possible, un jour on tombe les masques. Interroge l'avenir, sonde les astres. Peu d'options, relations néfastes, de passion trépasse. Si l'amour est dans l'air, je fais classe. On ne regrette pas l'espace, les vibrations, l'excitation, les nuits d'action. Le ciel écrit, les anges pleurent. Les nouvelles déceptions font les vieilles rancœurs. La routine, les sales manies, les mauvaises habitudes prennent de l'ampleur. Tout quotidien cohabite mal avec mes rêves de branleur. Trop de menaces pour un seul groupe de maîtres chanteurs. Les mêmes disputes et je discute avec le sampleur. Ne regrette pas les fraises, l'apogée, la beauté du geste. Ne regrette pas l'effort, les chasses au trésor. Des couloirs infinis, de glacés de marbre, un froid qui brûle. Froid qui détruit. Et c'est la fin de cette émission. C'était donc Benjamin Biolay avec Aurel San. Et j'espère que cette émission vous a plu, que vous avez découvert plein de musique, que ça vous donne envie d'écouter les albums en entier. En parlant d'écouter les albums en entier, on se retrouve la semaine prochaine pour un album du mois. La surprise reste entière, je ne vous dis pas ce que c'est, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui. Donc c'est un album dont on a parlé peut-être les semaines précédentes. À vous de voir. Je vous souhaite en tous les cas une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.